Entre-temps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gemozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, bonjour à tous. Alors, nous revoilà en direct à Radio Gemozo. Qui sommes-nous, association Ralentir pour vivre, un mot qui en dit long, dans un contexte qui, on va dire, est un petit peu pressé, hein, voilà. Donc, Ralentir pour vivre, nous sommes une association qui a pris naissance en 2018. Bon, on n'a pas été accéléré par le temps parce qu'effectivement, 2020-2021 ont un peu ralenti notre démarche. Et nous avons repris. Donc, nous faisons de la sensibilisation et de l'information du syndrome d'épuisement qui mène invariablement au burn-out. Donc là, nous intervenons en direct pour parler du syndrome d'épuisement chez les jeunes. Parce que les émissions précédentes, nous avons démarré des témoignages de jeunes qui nous parlaient à quel point ils vivent l'épuisement. Au sein de notre association, il y a une psychiatre, le docteur Koifik, et puis une autre médecin, ainsi qu'une personne pour la logistique. Et puis moi-même, je suis là pour faire un témoignage quelque part qui date, puisqu'il y a 20 ans, j'ai aussi été victime du syndrome d'épuisement. Donc, on essaye de parler et de dire exactement et de faire parler les auditeurs et les auditrices, et en même temps, on interviewe des gens sur des sujets pour pouvoir mieux comprendre ce phénomène des jeunes. Parce que ce phénomène des jeunes, on l'a fait déjà dans une campagne de témoignage qu'on fait depuis une année, mais dimanche, il y a 15 jours, on a eu un témoignage d'une jeune de 25 ans qui avait eu un burn-out à l'âge de 20 ans. Là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on commence à parler du syndrome d'épuisement chez les jeunes. Nous aurons également un autre témoignage qui va passer ce dimanche 9 à 17h sur Radio Gemozo, d'un jeune qui parle pas d'un burn-out, mais d'une situation d'épuisement où il ne s'est pas fait diagnostiquer particulièrement, mais où cela l'a mené à changer de style de vie et de chemin de vie. Aujourd'hui, nous avons invité par téléphone, nous avons une interview d'un jeune étudiant, Ethan, qui lui va nous parler de ce qu'il a vécu, et il vous expliquera son parcours qui est assez intéressant parce qu'il a totalement changé de parcours de vie suite justement à des études qui l'ont laissé un peu perplexe. Alors évidemment, dans tout ça, le burn-out, c'est quelque chose de très particulier. Maintenant, le burn-out des étudiants, nous avons une audio là sur le burn-out des étudiants, la définition qui est donnée par un institut canadien. Alors excusez de l'accent, seulement l'explication est excellente. Je laisse la parole à cette interview. Plusieurs étudiants rapportent vivre de l'épuisement. Bien souvent, ils doivent jongler avec une multitude d'engagements. Normal d'être fatigué, non? Mais à quel moment passons de la fatigue à l'épuisement? Débutons d'abord par définir l'épuisement étudiant. Il peut apparaître en présence de facteurs de stress chronique et se caractérise par un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets. Il est important de noter qu'il existe tout un continuum entre un stress temporaire et les différentes étapes menant à l'épuisement. Vivre un stress est normal et nous permet d'atteindre nos objectifs en mobilisant nos ressources. Cependant, une période de repos est nécessaire par la suite. Quand le stress et ses causes perdurent dans le temps, l'épuisement risque d'apparaître. La première étape de l'épuisement étudiant est l'enthousiasme idéaliste. À ce moment, on peut noter la présence d'attentes irréalistes quant à ses performances. Cependant, l'individu ressent un haut niveau d'énergie et se sent en contrôle de la situation. On peut aussi observer un surinvestissement des études, mais sans conséquences négatives importantes à ce stade. La deuxième étape de l'épuisement étudiant est la stagnation ou le plafonnement. L'intérêt et la motivation de l'étudiant diminuent, car il constate que malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à atteindre les attentes qu'il se fixe. Le niveau de stress augmente et il choisit de s'investir encore plus dans ses études. L'étudiant se met à diminuer les moments de détente, à refuser des sorties, à s'isoler par l'impression d'un manque de temps. Des symptômes de fatigue, d'anxiété, de plus grande émotivité ainsi que certains symptômes physiques peuvent alors apparaître. La troisième étape, la désillusion, survient lorsque la fatigue augmente, que les études apparaissent de moins en moins stimulantes, mais que les attentes demeurent démesurées, ce qui entraîne le sentiment de ne jamais pouvoir y arriver. Ce sentiment d'inefficacité grandissant peut amener la personne à se questionner sur ses capacités ou à remettre en question son domaine d'études. Voilà, nous comprenons maintenant ce syndrome d'épuisement chez les étudiants. Cette émission à contretemps, c'est à vous en direct. Il ne faut pas oublier que vous pouvez intervenir. Vous pouvez intervenir au standard 03 29 62 40 40 ou bien encore tout à fait anonymement. Vous pouvez intervenir sur les réseaux sociaux, sur la page Ralentir pour vivre à Beau ou bien sur la page de Radio Guémozo. Même si vous n'avez pas grand-chose à dire, peut-être avez-vous autour de vous des exemples, des personnes qui sont touchées, des choses qui vous ont touchées aussi, des étudiants ou des jeunes, parce que c'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur. Juste pour dire des chiffres quand même qui sont édifiants, dans les statistiques en 2019, donc on parle la période avant Covid, parce qu'il y a cette fameuse période avant et après, déjà là il y avait un surengagement de 21%, des risques modérés à sévères de 27%, un stress, il y avait 21% qui étaient stressés. Donc en gros, ils estimaient qu'il y avait 45% de la population estudiantine qui était touchée, donc 48 à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi chez les 18-24 ans, les consultations chez les psys au sujet du stress est en augmentation, c'est 60% actuellement par une étude de Doctolib. Donc tout ça, je pense qu'il faut en parler, parce que si on est dans le déni, d'abord c'est la jeune génération, et ça, effectivement, la jeune génération, c'est important de s'intéresser, de voir exactement ce qui va se passer, parce que c'est, je dirais, la vie sociale de demain. Si ces jeunes sont déjà épuisés, c'est déjà quand même quelque chose qu'on doit prendre en compte. Surtout que maintenant on parle d'étudiants, mais on peut aussi parler du burn-out scolaire. C'est aussi un burn-out qui existe. Et donc, où il y a deux parties, il y a les parents et il y a les enfants. Souvent, il y a un va-et-vient entre le désir de l'enfant de plaire aux parents et le désir des parents d'avoir un enfant qui soit le meilleur des meilleurs. C'est ce que nous avait expliqué Lise lors de son témoignage. C'est important aussi de voir les espoirs qu'on met sur la jeunesse qui peuvent être lourds. En prendre conscience, en parler, justement, toujours en parler. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose d'important à apporter dans le dialogue et aussi dans la façon de voir, parce que, et même s'ils ne sont pas en forme grave, les jeunes, parce que c'est beaucoup moins grave que les personnes qui ont 50 ou 60 ans, qui sont en forme beaucoup plus grave, ou que, par exemple, les étudiants en médecine, dont on parlera le mardi 18 mars, une émission consacrée entièrement aux étudiants en médecine qui sont les plus touchés par le burn-out. Alors eux, c'est carrément 60 et quelques pourcents qui sont touchés en burn-out. C'est un suicide tous les deux jours. Bon, ils ne s'appellent pas le lendemain pour savoir, comme je vous avais dit avec les agriculteurs. Mais enfin, c'est une moyenne, on va dire, de plus d'une centaine d'étudiants internes qui se donnent la mort uniquement parce que c'est trop stressant comme métier. Donc ça, on en parlera, mais on consacrera une émission entière à eux. Et c'est vrai que d'en parler et de voir exactement que ce burn-out, c'est quand même pas automatiquement une forme grave chez les jeunes, seulement ça nous crée une autre société. Il faut aussi voir qu'on leur enlève la motivation. On leur enlève le goût de voir plus loin. Ils sont vraiment, ils regardent à court terme leur vie. Tous les témoignages qu'on a, ils parlent tous d'arriver à 20 ans et de se sentir comme à la fin de leur vie. C'est quand même un petit peu, je dirais, édifiant d'entendre un jeune de 20 ans dire « je suis à la fin de ma vie », mais pas pour rire à la fin de ma life, hein, comme on dit des fois quand on est fatigué. Non, vraiment, je pense que ma vie, là, zéro, quoi, zéro pointé, voilà, j'ai tout loupé à 20 ans. Donc je pense qu'effectivement, en parler, c'est important pour aussi dédramatiser et que ces jeunes se sentent soutenus. Parce que souvent, ils reprennent un autre parcours, ils évoluent et à ce moment-là, étant soutenus, ils se sentent beaucoup plus à l'aise et effectivement, ils arrivent à donner de leur mieux pour pouvoir passer à une étape supérieure, on va dire ça comme ça. Voilà. Là, on va avoir Ethan après cette pause musicale.

donc dans une ferme écologique. Donc rien à voir avec ce que j'ai étudié. Oui. Mes journées se passent dans un champ où les connaissances que j'ai pu accumuler au cours des années ne me servent pas à grand chose. Mais c'est justement le but, c'est de faire quelque chose qui n'a rien à voir et d'apprendre de nouvelles choses. Oui, c'est très intéressant. Votre parcours est atypique, totalement atypique. On ne peut pas dire qu'on connaisse beaucoup de monde qui effectivement fasse des études brillantes, d'après ce que vous m'aviez raconté en off, et puis qui arrive à un moment donné à se remettre complètement en question. Comment s'étaient passées vos études en fait ? Relativement bien. Après, chaque parcours est unique et assez haut et assez bas. J'étais un étudiant assez... J'étais dans la moyenne, j'avais des notes assez correctes. Comme beaucoup d'étudiants très à l'aise et dans le privé, enfin à l'aise, j'entends, qui ne se prend pas beaucoup la tête, je révisais mes partiels les 3 semaines avant, voire parfois le soir même, ou voilà, comme beaucoup d'étudiants. J'arrivais à avoir 12, 13 de moyenne et plus les années passaient et plus la carrière professionnelle se rapprochait et plus je me suis mis vraiment à me poser des questions sur mon avenir et à plus travailler. Mais j'ai passé des études très très agréables, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai toujours donné ce qu'il fallait pour avoir mes diplômes. Donc j'ai eu un parcours assez normal, en fait. Oui, mais ce qui est intéressant, et ça, on en avait parlé lors de l'entretien qu'on a eu en off, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question par rapport à l'environnement dans lequel vous étiez et l'environnement dans lequel vous êtes allé, quand vous avez été, en quelque sorte, quand vous êtes sorti de la bulle, quelque part. Alors, ces questions-là, je me les suis surtout posées lors de mon stage de fin d'études, où, pour le coup, j'ai été confronté à la vie professionnelle, parce qu'évidemment, pour revenir à ce qu'on disait en off, on avait surtout parlé de la bulle, ouais, dans laquelle je vivais en tant qu'étudiant, notamment au sein des écoles, surtout dans le privé. Donc au niveau de ma licence, les 3 années que j'ai fait dans le privé, on vivait quand même dans une bulle assez isolée, très théorique. On effleure la vraie vie vraiment, pour ainsi dire. C'est plutôt quand je suis sorti peu à peu de cette bulle que je me suis rendu compte. Et donc, parce que j'imagine que c'est le principe de l'émission, mais on avait fait la distinction justement entre mes études et celles que peuvent vivre d'autres personnes, il me semble. Et donc, moi, au niveau de mes études, j'ai vraiment évolué dans une bulle où le stress se limite aux examens, mais sinon, on est quand même assez bien couvé. Oui, et puis vous avez rencontré d'autres étudiants qui le vivaient moins bien que vous? Bah moi j'avais des amis qui avaient des parcours un peu différents et qui évoluaient dans des filières parfois plus scientifiques. J'ai des amis qui se sont mis à travailler beaucoup plus vite que moi. Pour revenir au premier, donc j'avais des amis dans les filières scientifiques, certains qui ont fait des prépas. J'ai des proches qui ont fait médecine. C'est vrai que là dans ces domaines-là, la pression subie en tout cas moi j'ai eu le ressenti que c'était quand même bien supérieur à ce que moi je pouvais vivre en tant qu'étudiant de lettres, quoi. Oui, je comprends. On va faire une petite pause musicale et puis on vous reprendra sitôt après. Entends-tu passer dans ta rue une parade d'espérance et qui chante et qui danse et vogue la galère, le cap sur la bohème et vogue nos chimères, le cap sur leur fredaine. Il y a des cigales dans la fourmilière et vous ne pouvez rien y faire. Il y a des cigales dans la fourmilière et c'est pour ça que j'espère. Entends-tu passer scandale, c'est les enfants de la balle. Et ça jongle et ça crache le feu, et ça fait boum boum dans les oreilles. À votre bon cœur, mesdames et messieurs, à votre bon cœur ou pas, c'est pareil. Il y a des cigales dans la fourmilière et vous ne pouvez rien y faire. Il y a des cigales dans la fourmilière et c'est pour ça que j'espère. Fortune, c'est les oiseaux sans plumes et qui s'acharnent tant bien que mal à vivre comme ils respirent, quitte à crever la dalle. Ils ont tant de choses à dire. Il y a des cigales dans la fourmilière et vous ne pouvez rien y faire. Et c'est pour ça que j'espère. Yeah. Et bourgeois, entends-tu passer dans ta rue une parade de ville en ville, c'est le théâtre du fil, et qui joue dans toutes les langues pour mieux parler de l'amour, pendant que le monde se demande si demain il fera jour. Il y a des cigales dans la fourmilière et vous ne pouvez rien y faire. Il y a des cigales dans la fourmilière et c'est pour ça que j'espère. Nous revoilà en direct avec Ethan, étudiant. Ethan, vous êtes là? Bonjour. Voilà, parfait. Donc, nous avions vu précédemment votre parcours étudiant. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après, alors? Dans le cadre de mon master, je devais faire un stage de fin d'études de 6 mois que j'ai choisi de faire dans un cabinet de conseil en transition écologique à Paris, qui sur le papier paraissait hyper passionnant. Et en fait, ça a été hyper passionnant parce que j'ai pu aborder plein de nouvelles choses, j'ai pu aborder le monde professionnel pour de vrai. J'ai dit à pas mal de proches, d'ailleurs, j'ai toujours que j'ai beaucoup plus appris en stage que pendant mes études, parce qu'on aborde vraiment un domaine très concret. Et l'avantage des cabinets de conseil, c'est que vous avez beaucoup de clients, et les clients ont chacun leur dossier avec leur thématique, donc vous apprenez beaucoup de choses. Mmh. Mais c'est vrai que dans le fonctionnement interne du cabinet de conseil, moi, je ne me suis pas du tout retrouvé. Et ça a été vraiment Vous avez plongé directement dans la vie active, mais la plus active possible, cabinet de conseil. C'est chaud, hein. Plus ou moins. Alors j'ai une approche assez défensive par rapport au travail, et donc je me considérais vraiment moi-même en tant que stagiaire, et donc j'avais tendance à vraiment établir mes propres limites. Donc jamais au-delà d'une certaine heure, pardon. Donc à 18h30, j'étais déjà plus là. J'arrivais à 9h30. Je faisais les tâches qu'on me demandait de faire. Mais et ça arrive très fréquemment en cabinet de conseil, on a tendance à vous prendre pour autre chose qu'un stagiaire. À savoir un CDI, on vous donne beaucoup de choses à faire, etc. Et moi, j'avais vraiment tendance à être sur la défensive. Et c'est là aussi que c'est là aussi que le choc a été brutal, c'est-à-dire que je me suis confronté à un monde où on demandait beaucoup. Et j'avais ni l'envie ni la capacité, je pense, de donner plus parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un certain sens au travail que je trouvais pas dans ces cabinets de conseil là où on est dans une logique d'abattage. Bien sûr, le sens c'était votre rentabilité en tant que stagiaire qui coûte pas cher, on va pas se mentir. Exactement. On va dire les choses comme elles sont, hein, c'est ça. Donc voilà, on peut dire un joli stage qui met une belle étoile dans votre CV, d'accord. Mais si on regarde l'envers de la feuille, c'est j'ai travaillé pour que dalle en bossant trois fois plus, en gros. Je pense que c'est ce qu'ils attendaient de moi et malheureusement c'est pas ce qu'ils ont eu au final. Et d'ailleurs on était tous les deux, moi et ma boss, on était tous les deux d'accord sur le fait qu'on n'allait pas continuer au-delà du stage. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Mais j'ai envie de dire heureusement quand même, parce que en écoutant la suite de votre parcours, je dirais presque heureusement. Quelque part, vous avez vu au loin un phare de pompiers. Vous savez, pipin-pon, attention danger quand même, parce que les jeunes qui s'engouffrent là-dedans, c'est reconnu qu'ils se font manger quand même quelque part. Mais je pense qu'il y a des jeunes qui ont beaucoup plus de résilience. Que je peux en avoir de ce point de vue-là. Moi, au bout de deux semaines, je savais que j'allais pas rester dans le domaine où je travaillais et j'ai beaucoup de mal à supporter cette pression-là. Je la refuse. Hein. Je refuse de subir quelconque pression. C'est autant une qualité qu'un fardeau parce que ça vous empêche d'avoir de bonnes relations dans une entreprise malgré la difficulté du travail, malgré les conditions qui peuvent être parfois pas à votre avantage. Mais oui, effectivement, ça a fait qu'au bout de trois mois de stage, après avoir discuté beaucoup avec mon entourage, je me suis posé et j'ai décidé que j'allais faire autre chose, quoi. Oui, justement. Alors là, c'était un virage à 180, complet, un angle droit total. Oui. Alors initialement, je voulais vraiment partir. Mon cabinet de conseil en transition écologique travaillait beaucoup avec des entreprises qui œuvraient pour la recherche de crédit carbone dans la reforestation en Afrique et en Asie du Sud. Donc j'ai voulu trouver une mission là-bas. Un peu, le principe c'était de partir et de se fondre dans la masse et de participer à une mission d'intérêt général où en gros je suis un pion parmi d'autres et je suis utile parce que j'ai deux bras et deux jambes. Et au final, en cherchant un peu, je suis tombé sur les missions de service civique qu'on peut effectuer à l'étranger. Et je me suis dit, c'est l'occasion parfaite. Entre 20 et 30 ans, je pense que c'est ce que beaucoup de jeunes devraient penser à faire. C'est des choses qui sortent de l'ordinaire, qui peuvent vraiment vous apporter du sens et quelque chose de radicalement différent. Franchement, on n'a pas besoin d'être formé à ça, faut juste y aller, quoi. Oui, puis là, c'est humainement parlant qu'on voit notre propre dimension. C'est une question humaine, là, c'est plus une question intellectuelle. Complètement. Mmh. Et aujourd'hui, j'apprends vraiment, cette année, ça a été une découverte personnelle de moi-même, de mon rapport aux autres, de mon rapport à la nature, au vu de ma mission, je me suis découvert vraiment personnellement et je pense que quand beaucoup de jeunes commencent à tendre vers ce type de carrière entre 20 et 30 ans parce que beaucoup de jeunes ne s'y retrouvent pas. On en parlait aussi en off, il y a beaucoup dans ma filière en tout cas à Sciences Po, vous avez vraiment deux types d'étudiants. Vous avez ceux qui pensent directement à leur carrière, c'est très français d'ailleurs, on fait nos études et après on se met à travailler. Oui, tout à fait, oui. Qui se lancent directement dans l'audit, dans le cabinet de conseil, dans des grosses boîtes avec beaucoup de hiérarchie. Mmh. Et vous avez les autres qui ne se retrouvent pas dans ce système-là et qui ont besoin d'autre chose. Et c'est super d'enfoncer ces portes-là parce que, en tout cas, moi, de mon expérience personnelle, j'en ai tiré, je dirais, ni du positif ni du négatif, mais énormément d'expériences. J'ai vécu 30 000 choses différentes, j'ai appris une langue et au niveau de la pression aussi, puisque c'est aussi le sens de l'émission, mais on m'apprend aussi beaucoup de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Là, le témoignage qu'on a ce dimanche 9 juin sur Radio Gemozo à 17h, c'est exactement ça. C'est un jeune qui a fait prépa et qui a fait un début d'école d'ingé et en fait qui a tout planté en plein milieu parce qu'il lui restait encore 2 ans à faire. Il les a pas fait parce que ça n'avait plus de sens. Et puis, on l'a découvert parce qu'en fait, il est venu en tant que woofer. Et il a, pendant 3 mois, voyagé dans toute la France en tant que woofer. Ben, un peu comme votre expérience, mais différente. C'est vous, c'est un service civique. Mais il a été voir un côté humain. Et dans ce côté humain, ça rejoint ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il a trouvé un sens qui lui a donné une autre ouverture d'esprit. Et il a vu les choses différemment. Parce que vous, pour l'instant, vous avez un service civique jusqu'à quand, là ? Alors, il me reste sous mon contrat 3 mois de service civique, là. D'accord. Et comment vous voyez, parce que ça fait combien de temps que vous y êtes maintenant ? Là, j'entame mon 10e mois. Là. Je suis arrivé en début septembre. Ah oui, alors un premier retour de ce que vous venez de vivre au point de vue physique. Hein. Je parle physique, hein. c'est un peu de manière souriante que je demande ça. Retour physique, parce qu'un étudiant qui se met... Enfin, j'en ai eu deux dernièrement, et ils m'ont beaucoup fait rire, des woofers, ils sont arrivés, ils m'ont dit, on est des bras cassés. J'ai dit, c'est quoi des bras cassés ? Ben, on est habitué à être assis, à étudier. Alors, bon, je sais pas, c'est de l'humour, là. Hein. Peut-être pas très bon, mais enfin, c'est de l'humour quand même. Alors, comment... Oui. C'est une question vachement intéressante. Moi, je viens d'un milieu assez aisé où j'ai jamais vraiment dû penser à faire ce type de tâche un jour. C'est des métiers plus simples habituellement où vraiment, mais physiquement, ça demande beaucoup. Et oui, on n'est pas du tout adapté à ce type de métier. Moi, j'ai eu un énorme temps d'adaptation. C'est des journées qui sont longues avec des tâches qui sont répétitives. Et au début, il faut s'accrocher. Moi, je suis arrivé en septembre, c'était en plein été, il faisait très chaud. J'ai commencé sur la récolte de pommes de terre. Ah oui. Récolte de pommes de terre, oui. Ça fait très mal au dos. Ah oui. On utilise une fourche pour remuer la terre et ensuite on sort les pommes de terre et ça a duré, je faisais ça 8 heures par jour. Oui. Toute ma première semaine, j'ai fait à peu près que ça. Et puis c'est lourd, les pommes de terre, hein, l'air de rien. Les caisses de pommes de terre. Oui, voilà, pomme de terre en elle-même, non, elle pèse rien, la pomme de terre, mais la caisse, oui, elle est très lourde. Oui. Et puis il y a aussi on entre dans un environnement où les gens font et ça ne les intéresse pas de savoir d'où vous venez, que vous soyez adapté ou non au travail. Il y a une tâche à faire, il faut qu'elle soit faite et on vous respecte parce que vous faites cette tâche-là. Et ça fait tout drôle parce que dans les filières de sciences politiques et surtout à Sciences Po, on vous encense tout le temps, on vous dit tout le temps, vous êtes fait pour devenir des dirigeants, des chefs d'entreprise ou alors être haut dans une hiérarchie quelle qu'elle soit. Mais on arrive avec des égos surdimensionnés et peut-être que dans une certaine mesure, mon égo n'a toujours pas forcément dégonflé. Mais en tout cas, ici, quand je travaille, mon égo, il ne sert à rien. Il ne sert à rien et ça, c'est très troublant. D'autant plus que voilà, c'est du travail physique et on se retrouve confronté à des limites qu'on a tous en tant qu'être humain et surtout les êtres humains bourgeois comme moi qui n'avons pas forcément, on a toujours été assis à un bureau, on a ces limites-là et à un moment donné, il faut s'habituer au travail et c'est vraiment une mission d'humilité parce qu'on apprend à juste faire comme les autres. Et à la fin, on est tous logés à la même enseigne. On peut pas exceller à la récolte de patates. C'est ça. C'est très simple à faire. Et il faut juste le faire, quoi. Et mais moi, quand j'ai eu des deux petites jeunes là en bouffeuse, c'était très drôle parce qu'une était étudiante en chinois et en histoire, elle avait un master et tout et tout. L'autre était en management. Enfin bref, elles étaient adorables les deux. Et à un moment donné, j'organisais le travail. À un moment donné, il fallait qu'elle aille chercher une paire de ciseaux dans la cuisine. Bon, d'accord, je lui explique où. Et puis elle revient, elle me dit, je ne l'ai pas trouvé. Et je la regarde, je lui dis, alors, à gauche, à droite, si, ça, machin. Et puis tu y vas, puis quand tu l'auras trouvé, tu reviens. Même si c'est demain, c'est pas grave. Et elle a rigolé. Et elle est revenue, mais tellement fière d'avoir enfin réussi à comprendre. Parce que ce côté intellectuel a un revers. C'est-à-dire que, je dirais, l'intelligence pratique est comme presque atrophiée. C'est-à-dire qu'on n'a plus une intelligence pratique courte, on a une intelligence à grande échelle. Et là, j'ai vu que ça leur a fait un apprentissage. Et d'ailleurs, dans leurs commentaires, elles ont dit « Ah, c'est bien, en plus, elle nous a appris à penser par nous-mêmes ». Et c'était drôle, parce que deux étudiantes qui disent ça, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je pense que les jeunes ont besoin vraiment de se reconnecter à des choses pratiques. Oui, c'est une vraie question. Et moi... Pour la blague, ça a toujours été moi, mon grand-père, il est toujours effaré de savoir que je ne sais pas planter un clou, qu'il y a certaines bases de la physique que je ne suis pas capable de maîtriser. Et ici, en tout cas, je vais peut-être pallier un peu de ces failles-là, mais j'ai un peu pallié ces failles-là, mais c'est important aussi. Je suis très content aujourd'hui de. J'ai utilisé une perceuse. Ça peut paraître très très très très basique pour certains qui savent faire ça depuis toujours, mais voilà, apprendre ces choses-là, l'intelligence pratique, moi j'appelle ça la débrouillardise, quoi. Oui. Savoir. On arrive dans un environnement, puis le chant est un exemple parfait. Aujourd'hui, moi, je suis assez autonome au chant, et c'est quelque chose qui est super, parce qu'on est assez peu, et on me donne très vite des responsabilités, et je sais m'orienter aujourd'hui dans un chant, ce qui n'était pas du tout le cas en septembre. Je sais identifier une rangée de légumes qui a besoin d'être désherbée, je sais identifier une pelouse qui doit être tondue, je sais identifier un légume qui doit être cueilli. C'est des choses que je savais pas du tout faire avant, et c'est pas du tout la gymnastique intellectuelle d'une dissertation, mais vraiment c'est tellement utile. Oui, c'est ça. Tellement utile. Et puis l'intérêt, je trouve, dans votre témoignage et votre parcours, ce qui est très intéressant, c'est que je pense que les jeunes qui arrivent à faire des pauses, à reprendre un peu, quoi qu'en soient toutes ces études, c'est fantastique, mais à se reconnecter au vivant, à se reconnecter à la terre, à se reconnecter à la pratique du quotidien, au moment présent, éviteront à un moment X ou Y, d'être en épuisement, parce qu'il y aura toujours cette ressource de pouvoir aller en contact avec la nature, en contact avec les gens aussi, parce que vous apprenez aussi une discipline qu'on n'apprend pas automatiquement sur les bancs d'université, c'est la communication et les relations sociales, quel que soit le milieu. Après, de toute façon, l'épuisement, c'est propre à chacun, et je crois que c'est très cyclique aussi, hein. On peut toujours se retrouver a posteriori dans une boîte qui nous plaît pas, avec une mission qui nous plaît pas, mais ce qui est important, c'est l'apprentissage de la gestion de l'épuisement aujourd'hui. Oui, effectivement. Moi j'ai appris certaines choses parce que, en fait, par l'empirique, aujourd'hui en changeant complètement d'environnement à l'âge que j'ai, il y a certains rouages que j'ai compris. Effectivement, changer complètement de cadre, rencontrer de nouvelles personnes, allons jusqu'à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Ça, changer complètement d'environnement, ça permet de gérer l'épuisement et de lancer un nouveau cycle. Ensuite, je pense qu'on se retrouve tous bloqués dans des routines. On a tous des supérieurs hiérarchiques qui peuvent avoir tendance à être désagréables, à demander des choses qui sont désagréables, à nous parler de façon désagréable. Et moi, le premier, j'ai des problèmes immenses dans la gestion de ces choses-là. Chacun a ses propres limites, mais l'épuisement peut se gérer par ce changement-là, mais je peux pas dire que je me retrouverai pas à nouveau dans une situation où je serais épuisé, déprimé, l'envie de tout changer. Oui. On vous reprendra après cette petite pause musicale, et puis nous conclurons ensemble votre expérience. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Si j'ai oublié. j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais. Voilà en direct, Ethan, avec votre témoignage de votre parcours de vie. Est-ce que maintenant, ce serait intéressant de savoir entre ce que vous avez fait comme étude et ce que vous venez de faire comme expérience, comment vous voyez le après dans 3 mois ? Il y a beaucoup d'options aujourd'hui que j'ai, parce que, et ça c'est aussi très important, et ça je m'en suis rendu compte après coup, même si je m'en doutais un peu, mais avoir les diplômes, c'est la clé d'entrée vers tout ce que vous voulez faire. Mmh. Et du coup, j'ai beaucoup de voies qui me sont possibles. Et ça, c'est très, très cool. La première, on verra ce que ça donne, mais je travaille actuellement bénévolement sur une équipe de campagne politique en parallèle de mon service civique auprès d'un candidat, d'une candidate socialiste. Et on verra ce que ça donne. Donc possiblement, mais bon, je pense pas. Il y a une probabilité que j'ai du travail au Parlement européen d'ici quelques semaines. Il y a aussi une grosse probabilité que j'en ai pas. Et si ça venait à ne pas marcher, j'aimerais prolonger mon expérience allemande, mais cette fois-ci au sein d'une mission qui ressemble un peu plus à la formation que j'ai suivie à l'université, à savoir en ambassade, à l'ambassade de France à Berlin, ou alors au sein d'une association qui... mon intérêt aujourd'hui, c'est de travailler sur l'amitié franco-allemande. Mmh. Pendant mon service civique, j'ai aussi eu l'opportunité d'être représentant des volontaires franco-allemands, mmh. Ce qui a été aussi très intéressant, et ça m'a ouvert aussi l'esprit, justement, sur ces thématiques-là. Parce que du coup, bah oui, moi je fais des sciences politiques, donc mon but, c'est quand même de travailler à ce niveau-là. Donc là, je vais recourber vers ma formation dans tous les cas, mmh. que ce soit en France, en Allemagne, où mmh. que ce soit. Mais je pense, j'en ai aussi beaucoup discuté avec les cadres de l'association qui chapeaute mon service civique sur ce que je pouvais faire. Et on m'a beaucoup conseillé, en tant que jeune, de participer à des missions plus courtes, plus passionnante, on se lance sur un projet qu'on fait pendant 1 ou 2 ans et ensuite on passe à un autre, parce que c'est vraiment un âge où on a une vraie liberté de mouvement, une vraie possibilité de mobilité. D'ailleurs, je pense que je vois comme ça. Oui, d'ailleurs, on vous a rencontré parce que justement vous étiez en mobilité complète. Donc c'est Pascal Corradini, le professeur à la retraite de l'IUT qu'on a interviewé il y a 15 jours, qui en fait travaille dans une école alternative, et vous étiez un moment stagiaire là-bas, c'est ça ? Très brièvement. Oui. J'ai fait une semaine d'échange avec Nele, qui est une volontaire allemande qui est actuellement en train de travailler à la ferme pendant que je suis en train de parler avec vous, oui. Qui travaille avec moi cette semaine. Et donc moi, j'ai fait un échange au sein de son école démocratique à Uruf, me semble-t-il. C'est un petit village à côté de Nancy. Oui. Ouais. Et c'est intéressant, parce que c'est une expérience aussi particulière, une école alternative. Ouais, Ouais, c'était très intéressant. Moi, c'est pas du tout mon domaine de compétence et j'y vais vraiment par pure curiosité. J'ai pas du tout vocation à travailler avec des enfants. D'accord. Peut-être les miens, c'est un jour en est. C'était vraiment par pure curiosité. C'était hyper intéressant parce que le système de cette école-là, de toute façon, Pascal a dû vous en parler, mais oui. C'est radicalement différent de ce qu'on peut voir quotidiennement. Oui. Mais j'y suis plus allé par curiosité et c'était cool parce que justement nos contrats de service civique nous permettent de faire ces échanges-là. Oui, et puis curiosité, alors qu'est-ce que vous en diriez, vous, extérieurement? Je ne parle pas de compétences, non, je parle extérieurement, admettons, dans le cadre d'avoir des enfants, et qu'est-ce que représentent les écoles alternatives? Honnêtement, j'en pense pas grand-chose, j'ai pas vraiment travaillé dans l'éducation, donc j'ai pas la prétention de dire comment éduquer ses enfants ou comment ne pas les éduquer. Je dirais que j'y verrais plus d'inconvénients que d'avantages au niveau de ces écoles-là, et notamment de l'école dans laquelle j'ai été en échange, parce que c'est un système très particulier où les parents éduquent les enfants à l'école, leurs enfants à l'école, et je pense qu'il peut y avoir conflit d'intérêts entre gros guillemets. On voit qu'il y a eu plus de proximité entre les parents et leurs propres enfants qu'avec les autres enfants. C'est des petits groupes, donc c'est un avantage, mais c'est un cadre qui, à mon sens, est un peu trop souple pour des enfants de cet âge-là. Mais encore une fois, moi, j'ai pas la prétention de... Non, et puis il y a beaucoup d'expériences. C'est pas ma formation, ni oui. quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites à ce niveau-là. Il y a Montessori, il y a Steiner, il y a beaucoup d'autres. Mais bon, c'est intéressant de voir qu'il y a une autre approche. Maintenant, je ne me souviens pas de vous avoir demandé, vous avez quel âge? 24 ans. Voilà, 24 ans, d'accord. Donc là, ça fait un an. Donc à 23 ans, vous aviez fait un an de stage dans un cabinet conseil? C'est ça. Donc vous aviez terminé vos études à 22 ans? 23 ans, j'ai terminé mes études. Ouais, d'accord. Donc effectivement, donc maintenant vous avez un bagage, universitaire, plus un bagage humain, puisque ces expériences vous ont donné un bagage humain, et maintenant vous avez, je dirais, un éventail plus grand du fait que vous avez voyagé. Est-ce que je suis dans le juste quand je dis ça? Alors j'espère. J'ai récemment eu une mésaventure entre grosses guillemets, mais en cherchant du travail, on m'a expliqué que c'est parce qu'on avait vu l'intitulé ouvrier agricole sur mon LinkedIn qu'on m'a décliné une offre. Il démontre que clairement les intitulés sont importants parce que ce qui est en dessous a tendance à moins intéresser. Mais j'espère. Ce que je trouve hyper positif, c'est que les proches de mes proches, ou en tout cas tout ce qui gravite autour de mon entourage, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire ça. Voilà, c'est hyper intéressant parce que j'ai ce bagage maintenant humain, j'ai pu faire quelque chose de radicalement différent, et c'est pas très commun dans le milieu où j'ai étudié. J'ai pas d'amis qui travaillent aujourd'hui dans un truc manuel, quelque chose de ce ressort-là. Donc oui, c'est atypique. Ça plaît à beaucoup de gens, mais au niveau personnel. Maintenant, est-ce que ça plaira au niveau professionnel? Je ne sais pas, mais j'étais étudiant il y a un an, donc j'ai l'avantage de ne pas avoir eu le temps de me déshabituer, de désapprendre. Je vous l'ai dit précédemment, je travaille dans une équipe de campagne politique, donc je suis très, très, très au fait de l'actualité. Je lis beaucoup, j'écris aussi sur un blog que j'ai. Donc j'ai pas lâché du tout. J'ai fait une parenthèse dans ma vie, mais la parenthèse se referme assez vite finalement. Une jolie parenthèse. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après. Ça marche. Yeah. Si nous faisions une petite leçon d'histoire, histoire de se rafraîchir la mémoire, car il n'est jamais trop tard pour s'apercevoir que notre vision de ce qui s'est passé dans le passé a volontairement été faussée. Par ceux qui jadis prétendaient faire circuler le bien par nos ancêtres historiens si fiers d'être européens, par ceux qui se croyaient privilégiés d'un dieu certain et qui traitaient comme des chiens les êtres qui n'étaient pas chrétiens. Oui, les colons étaient persuadés d'apporter les bienfaits de la civilisation et du progrès à des peuples qu'ils considéraient attardés, sauvages. Normal, l'homme blanc veut toujours réduire les autres à son image. Ensuite, il se dit sage. Mais depuis, dites-moi ce qui a changé. Rien. Le blanc requin, après avoir volé aux autres leur bien, ose encore prétendre que ce qu'il a, c'est ce dont ils ont besoin. J'ai peur des requins, j'ai peur des requins. J'ai peur des requins, j'ai peur des requins. J'ai peur des requins, j'ai peur des requins. J'ai peur des civilisé, par son propre caractère toujours dirigé, par une soif meurtrière pour la satisfaire, peut lui apporter le sort de cyber, voulant tout posséder, d'autres n'ont plus sur les eaux que leur propre chair. Il nous faut remettre les choses à leur bon niveau, ne considérons pas comme un cadeau de donner la main à des gens qui ont faim alors que nous nous nourrissons depuis des siècles sur leur dos. Yeah. Le tiers-monde est un sujet que l'on aborde souvent, mais l'on oublie que la vermine c'est notre matérialisme croissant. Et notre inutile développement ne fait que de développer leur donjon. Rien, rien ne mettra fin à notre esprit malsain. Ne sachons pas considérer le lendemain. Le blanc requin ne cesse de voler aux autres leur bien, tout en prétendant que ce qu'ils détient c'est ce dont ils ont besoin. J'ai peur des requins, j'ai peur des requins. Les traditions indiennes et les coutumes du peuple noir n'ont jamais figuré sur les lignes de mes livres d'histoire. Croire que ce cauchemar est le fruit du hasard, c'est se contenter de le voir accroché à notre espoir. Ce n'est pas le cas, nous en sommes là, à qui la faute? À toi, à moi. Je ne le sais pas, mais ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas penser qu'à ça. C'est la Banque mondiale et le FMI qui imposent leur politique commerciale à des gens sans avis, ni même abri, ni produit de survie. Pas de technologie, leur déficit est une irrémédiable tragédie. Des milliards de dollars de dettes à notre égard, un monde nous sépare, pour lequel il est bientôt trop tard. Féroce, vorace, pour toutes les races, l'histoire est atroce lorsque les requins passent. Et quand le blanc requin aura dévoré tous les siens, il s'apercevra enfin que c'était eux dont il avait besoin. J'ai peur des requins, j'ai peur. Voilà, on reprend Ethan. Après cette superbe chanson de Sens Unique, J'ai peur des requins, c'est très drôle comme chanson, je trouve. Voilà. Donc, Ethan, j'avais une dernière petite question à vous poser. Comment a réagi votre entourage personnel à cette personnel et les amis aussi, je dirais la famille et les amis, à votre expérience différente? Parce qu'ouvrier agricole, c'est quand même particulier. C'est vrai que c'est particulier, mais j'ai beaucoup de chance. Ma famille a extrêmement bien réagi et était vraiment derrière moi pour réaliser cette expérience. C'est assez inédit parce que c'est la première fois que j'entreprends quelque chose dans ma vie que ma famille n'a jamais réellement entrepris. Les études, ma famille avait fait des études. Et c'est la première fois où on me soutient vraiment, mais... C'est difficile de me conseiller en réalité dans une étape comme ça parce que justement il n'y a pas ce vécu qui peut aider mais j'ai été hyper soutenu. Ma mère était complètement passionnée de ce que je faisais, elle en parlait à tous ses amis, on en rigolait, mais je suis devenu sa caution agricole. Et donc j'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue là. Ensuite, mes amis, ça peut varier. C'est jamais malveillant. Mais j'ai eu des amis qui ont pas vraiment compris ce que je faisais, qui ont pas vraiment compris l'intérêt de ce que je faisais. J'ai eu des amis qui ont trouvé ça super, intéressant que je me lance là-dedans. D'autres qui trouvaient ça effrayant. Oui. Beaucoup ont trouvé ça effrayant d'ailleurs. Et ça peut se comprendre. Moi-même, j'étais pas effrayé, mais bon, disons que. pas à l'aise, quoi. On part dans l'inconnu, quoi. Oui, oui, bah, ouais, quand la petite woofeuse Benaz est arrivée, je dis petite, parce que c'est une mignonne jeune fille, mais pas très grande, et qui nous a dit, avec un air un peu désolé, tu sais, Catherine, on est un peu des bras cassés. Et moi, j'ai dit, mais attends, Benaz, on va pas partir négatif comme ça. Qu'est-ce que vous entendez par bras cassés? Mais on sentait en elle une espèce de petite frayeur, quoi. Est-ce que je vais être à la hauteur de ce qu'on va me demander, quoi? C'est ça. Oui, oui, complètement. Complètement. Ensuite, ouais, moi, je me suis jamais vu comme une paire de bras cassés, en tout cas personnellement. C'était surtout au niveau de la communication. J'avais peur des frustrations de l'autre côté. Surtout que l'endroit où je vis, la ferme dans laquelle je vis, et notamment en Allemagne, les gens ne s'intéressent pas trop à vous et ne cherchent pas trop à vous mettre à l'aise. Oui, d'accord. On vous accueille. J'ai jamais vécu de xénophobie, on m'a jamais méprisé pour ma nationalité, mais on m'a jamais aidé non plus. Et ça, de ce point de vue-là, ça peut être effrayant, et je pensais déjà à ça avant de venir, et ça s'est confirmé. Mais tout change, en fait, à partir du moment où on décide de voir les choses comme des apprentissages et des expériences. Oui, c'est ça. Si on décide de se dire, je m'attends à quelque chose d'ultra positif, quelque chose qui va être de l'ordre de l'exceptionnel, si vous voulez ça, vous faites comme plein de jeunes Instagram, vous faites un tour du monde, vous faites 46 pays et vous faites que des choses sensationnelles. Et sinon, dans l'autre optique, et moi c'est celle que je recherchais, vous faites un truc qui peut être difficile, mais qui vous apprend plein de choses. Oui, c'est et ça. Et sur le long terme, c'est positif, mais ça peut être vécu. J'ai vécu plein de choses qu'on pourrait qualifier de négatives cette année-là, mais j'ai tellement appris que voilà, on peut pas juger. Oui, non, je comprends très bien. En plus, quelle que soit la vie qu'on mène, on a toujours des moments bien et des moments moins bien, de toute façon, quelle que soit la vie qu'on mène. Ah, Ethan. C'est une expérience. Alors, on vous a perdu une petite seconde, on vous écoute. Oui, c'est propre à ce type d'expérience. Et effectivement, c'est intéressant de projeter ça dans la vie réelle. Ce sera toujours comme ça. Et ça... La vie est faite de moments positifs et négatifs, et l'important, c'est ce qu'on en tire, en fait. Exactement. C'est vraiment ce qu'on en tire. En tout cas, on vous remercie infiniment pour votre témoignage de parcours de vie atypique, qui était très, très, très intéressant. On vous remercie du temps consacré avec nous. Il y aura un podcast qu'on diffusera sur les réseaux, sur la page Facebook Ralentir pour vivre ou sur la page de Radio Guémozo. Et puis, on se retrouvera mardi dans 15 jours. Alors, c'est déjà prévu. Ce sera une personne qui représentera les étudiants en médecine. Et là, on rentre dans un sujet qui est très chaud. Merci encore, Ethan. Et puis, bonne continuation à vous. Merci à vous. Merci de vous être intéressé à moi. Ouais, au revoir. C'est gentil. Merci beaucoup, Ethan. Au revoir.